plus la drogue, elle est dure. Même si je suis dans la merde, j'aime pas nous porter secours. Et quand c'était la guerre, nous on a porté nos burnes. J'avais pas de daron, j'étais tout seul dans ma chambre. N'en ayez pas honte de dire que je suis un bâtard. Ta vie c'est tout ton compte en banque, tout ça pour une chat. Tu dois délover, tu fais le plein au bazar. Désolé mon père, j'ai de l'amour que pour ma mère. Je pisse sur la tombe de ceux qui voulaient ma mort. Tu fais le voyou si tu veux gros, je t'emmène. Et de l'autre côté, tu pourras niquer tes morts. On a caché la coco dans le siège bébé. Arrivé à la grande, dommage, on s'est fait péter. Avant la perquisition, gros, fallait tout vider. On est rentré en toi, la défaite, on l'a fêté. Je sais que tu m'aimes pas au point de vouloir ma perte. Fais pas semblant d'être content pour moi quand tu me croises. C'était content le jour où ils ont pété mon père. De toute façon, respawn de moi, pour toi, tu portes la poisse. Des Z dans le sang. On m'a dit, tu peux perdre, t'es fait des morceaux dans le sang. Des kilos dans le corps, tu chites la cocaïne. J'ai peur que tu tues et tu payes à ce l'encens. On va finir en enfer, gros, je t'en fais le pari. De toute façon, je m'en bats les couilles, tant que le poli décalé. Je quitte ma vie de test quand toi tu grattes des galons. Je sais qu'après ce texte, ils diront que je suis égaré. Sûrement que je vais mourir d'une balle bêtement. De l'accident mortel au volant de R8. Ceux qui font les voyous, vous pouvez venir maintenant. Pour ma famille, moi, je ferai tout comme R8. Touche les indépendances, on leur fait la bise normale. On leur parle normal, comme s'il y avait rien de grave. En ce moment, c'est la merde, je t'avoue que je dors mal. Et je pense mal, gros, non, y'a plus de bras. Tout le monde sera là le jour de ton mariage. Y aura que ta famille le jour de ton enterrement. Tel de trois poteaux, celui qui a donné le go sera présent aussi, histoire de faire serment. À l'heure où là j'écris, c'est bientôt l'heure de la prière. Je connaissais à peu près 10 soldats en primaire. Ma mère m'a demandé comment je vois le futur. Comment on sera plus tard, je l'ai ramené au cimetière. Les gens ils me connaissent, t'inquiète, j'ai rien à prouver. J'ai réglé des histoires, combien de mecs j'ai sauvé. Quand vous me dites que les meilleurs partent toujours les premiers, dois-je comprendre que le Seigneur est mauvais. Dommage qu'on soit pas solidaire comme les cabines. Sous un misère de femmes, tes potes au bras, ça